demander de bouger parce que la chanson elle s'appelle putain de facho. Ouais, on compte sur nous. Samy a changé le nom. Oh, elle s'appelait. Elle s'appelait. Attends. Qu'il soit chevelu ou rasé, les fachos sont toujours aussi cons. Voilà, c'est le nouveau nom de la chanson. Merci. Merci. On s'en fout.